Chapitre 12. Deux lettres. Tenez, mon cher Saint-Georges, dit la Bessière au chevalier en lui remettant deux lettres qu'il sortit de la poche de son gilet. Voici pour vous. Le maître d'armes arrivait tout essoufflé. Il s'assit pesamment et dans le meilleur fauteuil, comme un homme accoutumé à prendre ses aises chez ses élèves. Saint-Georges était du reste mieux qu'un élève pour la Bessière, c'était un ami. Le professeur avait eu la gloire de développer les dispositions merveilleuses du mulâtre à son arrivée de Saint-Domingue. C'était lui, qui l'avait vu croître et se conquérir, tout d'un coup la première place dans son académie, la plus recherchée avec celle de messieurs Vaucourt, de La Salle et Donadieu. La réception de monsieur la Bessière, comme maître en fait d'armes des académies du roi, avait été fort brillante. On connaissait sa force et la finesse de son jeu. On lui opposa les trois professeurs dont nous venons de citer les noms et qui étaient les plus forts, principalement Donadieu. La Bessière tira avec lui et fut reçu à la seconde botte touchée en exécution de l'article 10 des statuts de la compagnie. Sa salle d'armes, située rue Saint-Honoré, vis-à-vis de l'oratoire, réunissait alors les plus célèbres tireurs, messieurs Pommard, Covin, gendarme de la garde, de la Madeleine, gentilhomme polonais, et beaucoup plus tard, messieurs Morel, Bayard, Charlemagne, Contentia, Casimir Perrier, etc., tous élèves distingués de la Bessière. Au rebours de quelques maîtres, qui s'obstinent à se faire les traits farouches, la Bessière, nous l'avons dit, n'avait rien que de prévenant et d'agréable dans l'ensemble. C'était un homme jovial et spirituel, qui se plaisait, suivant l'expression consacrée alors, à sacrifier aux muses. Il y a peu de maîtres d'armes à cette heure qui se piquent d'écrire des vers de société. L'honorable professeur excellait dans cette partie. Il composait des odes, des épîtres familières et des chansons. En 1786, il publia un poème sur la mort du prince de Brunswick, élégie qui lui fit beaucoup d'honneur. La Bessière apparaissait cette fois au regard du chevalier dans tout l'accoutrement d'un tireur de bécassines, car il aimait passionnément la chasse. « Je ne me suis pas donné seulement le temps de déboucler mes guêtres, chevalier. Vous le voyez, j'arrive aussi leste qu'Actéon, avant sa métamorphose. » Comme il y avait non seulement pressé sur les deux lettres, mais encore recommandé à M. la Bessière, maître en fait d'armes, je n'ai fait qu'un saut. Lorsque l'amitié nous réclame, oublions Diane et Vénus. » Continua-t-il, avec sa voix énergique de basse taille. « Il paraît que nous nous levons. » Comme vous voyez, mon cher professeur. La suite du premier bal d'opéra, reprit-il après avoir lu, je ferai honneur à ces deux lettres. Est-ce que, par hasard, ce seraient des lettres de change? Je m'en voudrais mortellement d'avoir rempli près de vous, sans le savoir, l'office d'huissier. Pas le moins du monde. Ce sont deux lettres de tireur. Cela est de votre compétence. Il me prie de vouloir bien faire assaut ce soir avec eux à votre salle d'armes. Et leur nom? Ah. Pour le premier, cela est un peu difficile. Il l'a signé tout simplement un inconnu. Cependant, sa lettre annonce quelques prétentions dont je ne serais pas fâché de le faire rabattre. Il pourrait se faire, ma foi, que ce fut le chevalier de la Morlière. Vous riez? Il est en ce moment écroué à la Bastille pour un duel? Non, mais pour 30 escroqueries. Je sais qu'on l'accuse d'avoir volé Angola. Il s'agit bien de littérature, vraiment. Ce sont des couverts qu'il a volés. Il n'oserait d'ailleurs s'attaquer à l'inimitable. Dame, depuis mon aventure avec le neveu de Madame Berthollet, il est vrai que le Lamorlière n'en revient pas. Il ne tenait qu'à moi de lui apprendre le secret des cartes. Moi qui sais que vous avez ménagé ce pauvre jeune homme. S'il est à la Bastille, il est clair que ce n'est pas lui. Cependant, la lettre a certains cachets d'impertinence. Lisez plutôt. La Bessière lut. Ce soir, à 8 heures, je rencontrerai monsieur le chevalier de Saint-Georges avec grand plaisir dans la salle d'armes de monsieur la Bessière. Il me tarde de voir si sa renommée est un mensonge. Signé, un inconnu. Le billet est assez fier. Ce ne peut être en tout cas qu'un homme prudent, car il demande par son post-scriptum qu'il n'y ait que vous et lui dans la salle d'armes. Il a peur qu'on ne le voie boutonner. Vous avouerez, mon cher professeur, que si je vais à ce rendez-vous, ce sera y mettre de la complaisance. Je ne suis point un maître d'armes, et sans la tournure ridicule de ce billet, j'aurais renvoyé le tireur anonyme à votre prévôt. Enfin, quel que soit mon inconnu, j'irai. Moins pour lui, vraiment, que pour cette seconde lettre, à laquelle vous me permettrez de donner la préférence. De qui est-elle? Je suis impatient de connaître. Un moment. Vous saurez que celle-là est du moins signée tout au long. C'est du reste, mot pour mot, la même proposition. Décidément, je vais devenir prévôt de salle. Ce me serait grand honneur, mon cher chevalier. Mais qui peut, qui ose? Vous ne devinez pas. Attendez. Ce sera peut-être cet imbécile qui a eu l'audace de vous appeler il y a un mois, mal blanchi, quand vous passiez un matin avec moi dans la rue du Bac. Et que j'ai trempé 2 secondes dans le ruisseau de la rue, n'est-ce pas? En lui disant, bah, tu es à cette heure aussi mal blanchi que moi. C'est ma foi vrai. Le malheureux en avait jusqu'aux oreilles. Mon cher Labessière, ce n'est pas lui. Alors j'en reviens à la Morlière. Indépendamment de ce tour que vous lui avez joué, vous eûtes avec lui, je crois, une singulière histoire, celle du boisseau de Fleuret. Oui, quand il m'envoyait dire impertinemment de venir faire des armes chez lui, n'est-ce pas? Il m'écrivait comme si j'eusse été un prévôt de salle. Et il vous envoyait son domestique avec 3 fleurets montés. Moi, je ripostais par un boisseau de 20 fleurets, que j'ai tous rompus, par parenthèse, sur le ventre de ce digne Lamorlière. Je me flatte que cette leçon lui suffit. C'est donc monsieur de Bonnac, ce mousquetaire noir, l'amoureux de Duté? Nullement. Saint-Brice? Allez, Donadieu? Allez encore, mais j'ai pitié de vous. Et ne veux pas vous voir jeter votre langue au chien. C'est... pour le coup, j'y suis. Ce grand chevalier de Sainte, ce n'est point un chevalier, mais bien une chevalière. Voyez plutôt, c'est le chevalier Déon. Le maître d'armes manqua de tomber à la renverse. C'est ma foi vrai. La Gazette annonce en effet son arrivée à Paris. Et c'est moi qu'elle choisit à son débarquement de Calais, vous le voyez. En ce cas, pourquoi éviter l'assaut public? Mademoiselle Déon ou Monsieur Déon tire assez bien pour n'avoir point la modestie ou la prudence de votre inconnu. Mon cher professeur, les chevalières ont des caprices. C'est, à ce qu'il paraît, une conversation intime, une manière de reconnaissance comme dans la franc-maçonnerie. Viva! J'ai bien envie de prévenir Pomard et Monsieur de la Madeleine. Vous savez qu'il y a moyen à ma salle de tout voir sans être vu. Oui, je sais, votre Judas. Mais gardez-vous-en bien, mon cher professeur, ou plutôt, réservez ce spectacle-là pour vous seul. La Déon ferait de beaux cris. On n'a pas idée de pareilles choses. J'aurais gagné 2000 livres au moins à vous afficher tous les deux en belles lettres moulées. 2000 livres? Juste ce que ces infâmes comédiens des Français me demandent pour jouer ma comédie de Crispin, valet d'auteur. À propos de valet, je vous remercie de me rappeler mon éduc. Je vais lui dire de porter à votre salle mon gilet, mes gants et mes fleurets. Je veux recevoir le chevalier avec ce que j'ai de plus beau. Êtes-vous en haleine, mon cher Saint-Georges? Avez-vous ce qu'il vous faut? Dit la Bessière d'un air affairé. La Déon dans ma salle d'armes. Et le professeur se promenait d'un air de César. Il examinait avec une scrupuleuse attention les moindres détails de la toilette militaire du chevalier. Platon avait extrait déjà d'une malle ses divers objets. Il les disposait avec un soin minutieux sur un fauteuil. « Bien, je vois des sandales comme il n'y a que vous qui en ayez, mon cher Saint-Georges. Le chapeau qui les garnit est bien cousu. Le poreux du cuir en dehors, à la bonne heure. Voilà, continua-t-il, un gant parfait, long et étroit. Vous allez tirer comme un ange. » À la bonne heure, cette lame est forte du talon et diminue depuis cet endroit jusqu'à la pointe. Vous avez toujours le mire pour fourbisseur? Et votre mouchoir? N'allez pas faire la faute de l'oublier. On ne peut répondre d'une éraflure. Me voici vos ordres, dit le chevalier. Je n'emmène que mon éduc. Platon bondit de joie. Il n'avait pas encore vu la salle d'armes.